Les restes du monde. Ouais. On nous impose des lois, on nous retire nos droits. Ils ont oublié qu'à une époque on était des rois. Fini le temps des chaînes et des fers aux pieds. Sont les richesses, nos terres qui sont en train de dérober. Sont nos pères qui tapent dur, nos mères qui cachent leurs larmes solitaires et nos nerfs qui lâchent. C'est la vérité de nos lives. Dans les blocs sales, y'a plus de morale. Les chants de chorale, on fuck ça. L'héritage de la souffrance, 400 vers. Justesse à la France, constate l'ampleur du drame, frère. Le pire c'est que le temps efface de nos têtes certaines dettes qui datent de quelques siècles. Le ciel au-dessus des miens reste gris comme l'horizon. Tout ça finira mal, c'est l'histoire du monde. Le passé, juste un navire noyé dans un océan de larmes, de sang, de nos jours on commémore les armées. On se remémore les années où les viols et les pillages étaient monnaie courante comme les plaquages de steak contre les grillages. Leur cours d'histoire c'est de la merde. Si tu penses par toi-même c'est l'échec scolaire. Ghetto dans les cerveaux asservis. L'amour c'est un putain d'ascenseur hors service. L'ignorance c'est être aveugle dans l'obscurité. Ce qu'on fait de ce monde un cimetière représente la pureté. L'apartheid c'est mort, non. Regarde Soweto, la félonie anglo-saxonne qui impose son veto. Les ex-colonies européennes soutiennent les guérillas. Prennent des mômes, leur donnent des armes de Kigali à Brazzaville. En passant par la bande de Gaza. Que faire quand les chars arrachent ta ville hein? Solidarité, faut attendre que la terre bouge. Sinon s'en bat les couilles des néo-nazis et des Khmers rouges. Y'a ceux cordonnent aux portiers de porter leurs valises. Et ceux qui grandissent parmi grenades et mortiers. Écoute bien, la politique c'est du fond de teint. La leader de leur vie serait pas lire le pire des assassins. Pendant que les frères bibiques, les sœurs bougent le bassin. Certains quartiers du globe forment les futurs fantassins. Et moi je raconte que cette vie n'est qu'une catin. Et comme toi je me fais avoir par ce même baratin. On veut faire le tour du monde des parapluies. C'est la réalité, c'est la chute. Attache ton parachute. Chut. Silence, la masse dit cheat. Trop de sales mythos chantent pour se taper des bitches. Ce qu'il en reste de ce monde, il est tel qu'on l'a connu. Là où des gosses flirtent avec bombes, mine anti-perso. Pour t'arracher la jambe, sous pas depuis le perso. De Kaboul à Abidjan. Des grosses firmes mouillées dans le trafic d'armes. Exemple total, peut-être même Nike, j'sais même pas si. Mais ce monde j'l'aime quand même. J'ai le luxe de prendre mon yep. Malgré mes problèmes de merde, alors pleure pas. Si t'as la chance de manger tous les jours. Loin de ces bêtes où y'a la mort à tous les carrefours. Les restes du monde se partagent les restes. Juste une question, qu'est-ce qui nous reste? L'allégresse d'une assiette menacée. Et les gratte-ciel veulent défier l'Everest. Les missiles ont perforé le ciel. Écrasé les rêves et rasé les forêts. Bande d'enfoirés. Faut obéir aux ordres et une poignée d'hommes qui contrôlent tous les autres. 10% qui possèdent les richesses et qui vivent sur les côtes des 90 autres. À qui la faute, y'a des bombes qui sautent. Si on finance des guerres quand on paye nos impôts. Zéro d'arve, y'a rien d'accidentel. On impose partout le modèle occidental. Nouvelle croisade, phobie grave des stocks d'armes. Conséquence de la guerre froide. Pendant ce temps, on enterre la jeunesse. Les quartiers de France, de Marseille à Nanterre. On se bousille avec le shit, les cachetons. Comme le crack pour les Black Panthers. Ils ont tout fait pour étouffer l'affaire. Qu'on reste chez nous, DVD, internet, c'est clair. On s'enchaîne, on se lève pour l'oseille. Ferme ta gueule et travaille à la chaîne. C'est la guerre, le temps on remonte. Le tiers état est devenu le tiers monde. Y'a toujours la noblesse, le clergé. Appelle nos bigots, t'es sur Radio RG. De la presse au JT de 20h. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et si Hitler avait gagné la guerre, est-ce qu'on dirait aujourd'hui que c'est un homme exemplaire? Un sauveur ou un dictateur? Va savoir ce qu'on dira sur Sarko et Chirac. Les génocides, expériences secrètes. Les tueries en Afrique, George Bush et l'Irak. Gaspillage des ressources naturelles. On cotise pour faire des essais nucléaires. Et chaque soir, je vois des stars qui staffent des bars, qui dépensent des milliards. La terre c'est une pierre tombale. Ce qu'on nous cache tous les jours c'est un braquage mondial. La colère monte, c'est le choléra. Tu rigoleras moins quand ta peau se décollera. Résultat, kamikaze, enfant soldat. Guerre civile, attentat et prise d'otages. Le terrorisme, le fascisme. Les fils t'ont caché de la démocratie. Regarde ce qu'il reste de ce monde. Il reste rien, nous on reste là. Voir le tiers monde se partager les restes. Des millions de mots qui se tapent les restes. Qu'on jette trop de rage. J'ai peu de mots, voilà